la saison la plus douce, la plus calme et la plus molle. L'automne supplante la précédente et s'installe avec des sursauts peureux. D'énormes orages, des ténèbres du matin, des tourbillons et des massacres de feuilles qui font comprendre